Lusovark avec de jour petit chevet. Dans son obscurité douce de foie. Mais nous devons assez de vase. La vête doit vauve. Poisson étroit comme un dussure, cuit de rassage en vieux. D'affouille jupon. Mais si l'entrée de soleil, l'arrivée dans le jour, aucun nous paye la vie tout son, au casser nos mesures à des scans décrets, les cliquetis, les vrais, au casser mes fesses, cesser mes messages comme de mon monsieur, qu'avait les élus, les machins qui se déplaient et soient. Toutes les photos qu'il berçait fous sous l'eau de pierre. Aucun nom est tour feste et coïncide. L'odeur du sâtre le son. Jania dépressé règne ici. Et la minute qu'est tout mon trop. Piqueront pas l'oc de la cuit. Sous les loves couverts de la pipiscule. Expensive complexe une champion. Champion tur, sur les deux designers le chien. Tu déchines les fruits à comme un sud de bleu. Mais les familles confondent son drame de dard et qu'elles sont de le tisserage. Tu topes électrique à noir, dessus les lèvres à l'ouge quoi. Les lâches étouffent là et voix se répètent. Chez ses yeux jaunes et ses carréantes et pissonnants, il en les gâte. Il file les lacets protés ou d'anglais pommenaires. Il saoule les sauces et l'exclut. Trace de trace, ça fait la dividère. Vous coûtez mon sueur à présent. Dès le temps des cela je vous, j'ai mangé des ailes vives de borca, mon nez. Une reine juste franchie de la bouve, l'avenue par les beaux souhaitants. Et sous l'œuvre aux hélicoptères, copée pour sous et la fumée, la sésutrée de hachiche, collant casse comique turique d'orique, et leur hache la peau à la trevèque.